Enfin, un moment pour vous. Vous choisissez un album dans votre collection, vous sortez le disque de sa pochette, vous le posez sur la platine. C'est l'instant vinyle. Sur Blues Café Radio, avec Christian Biral. Aujourd'hui, je vous emmène dans le superbe bâtiment qui abrite le musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon. Il propose une extraordinaire exposition dont vous avez peut-être entendu parler car la presse nationale en a fait l'écho. C'est Vinyl Mania, un tour du monde de celles et ceux qui font vivre les vinyles, des fabricants aux collectionneurs en passant par les créateurs de pochettes de disques et les boutiques. Autant de légendes qui font l'histoire de la galette noire. À la demande du musée, j'ai le grand honneur de contribuer à cette exposition pour une partie qui s'appelle « Portrait de Diggers », où on me présente comme un découvreur acharné de vinyles perdus. J'ai eu le plaisir d'animer sur place l'après-midi du Disquer Day. Je vais vous faire partager mes rencontres avec quelques visiteurs et aussi avec Philippe Weiss du service des publics du musée. Bonjour, votre prénom c'est ? Anthony. C'est une amie qui m'a amené ici, qui m'a dit qu'il y a une exposition et comme les musées étaient fermés depuis longtemps, on s'est dit que c'est peut-être intéressant de venir. J'écoutais Bob Marley ou Jimi Hendrix sur des vinyles à l'époque, même les Michael Jackson, etc. Je les ai toujours, soit des 45 tours, soit des 33 tours et ils doivent être quelque part. Pourquoi êtes-vous venu à cette expo ? Eh ben parce qu'on avait envie de faire un musée et on s'était dit que le DJ, ça fonctionne toujours, donc les vinyles, c'est l'air de temps. All the peace warriors and traitors be still, but you live. I don't want to wait in vain for you. Et ben en fait, ce qu'on s'est dit avec Johanna, c'est qu'on avait envie de faire un musée avec nos ados. Et en fait, des fois, ils ne sont pas forcément à bloc pour aller faire des musées. Et en fait, les enfants adorent la musique, écoutent beaucoup de musique en streaming. Et c'était une façon de leur faire découvrir une autre facette de la musique. C'est vrai que c'est sympa de voir les ados qui sont en train de regarder des vieilles machines que nous, on utilisait à leur âge. Alors, pour la petite histoire, les vieilles machines évoquées par la dame sont des platines neuves qu'on trouve facilement dans le commerce, fournies par le musée en libre service pour les visiteurs qui souhaitent écouter des vinyles sur place. Ouais, je suis passé devant le musée, on s'est dit qu'on allait rentrer. Je savais pas qu'il y avait le... Pour moi, j'ai vu l'affiche musée de l'imprimerie, donc je me suis dit que ça allait être intéressant. Puis c'est encore plus intéressant qu'il y a eu l'exposition temporaire. J'ai 20 ans. Je me laisse surprendre pour l'instant. Mais... Qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute beaucoup de rock. Beaucoup de rock, plutôt de la musique britannique des années 60-70. Un album à retenir, c'est difficile de choisir. Sgt. Pepper, sans doute, le premier... Les Beatles. Ouais. pourquoi êtes-vous venu à cette expo ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que ma compagne est graphiste et qu'elle venait pour le graphisme. Et moi, en tant que fan de vinyle, collectionneur, accumulateur, si on peut dire, de disques, où j'ai eu la même phrase que vous, mets des disques, t'en as pas assez. Voilà, pour la même raison que vous, l'amour de la galette. Est-ce qu'il y a un album auquel vous êtes particulièrement attaché? On vous dit votre maison brûle, vous emmenez un disque. Ça, je crois que j'arriverai jamais à répondre à ces questions, quoi. Il y en a tellement. Moi, vous avez le droit d'en dire plusieurs, allez. Il y aurait un maxi 45 tours qui est de Joe Strummer et Johnny Cash, Redemption Song, reprise de Bob Marley. Énorme, oui. Que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout le genre de musique que j'écoute principalement. Après, il y aurait peut-être Sabotage de Black Sabbath. Du Led Zepp aussi, il y aurait plein de choses, quoi. C'est ceux qui me viennent à l'esprit, mais si j'étais face à mes bacs, il y en aurait, je crois que j'arriverais pas à dire « toi tu pars et toi tu restes ». Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Pourquoi êtes-vous venu à cette expo? Ah, parce que j'aime bien les vinyles. Ah bah, 10 Years After, les Beatles, Creedence Clearwater Revival. Moi c'est Santana. Et quel album par exemple? Je ne me rappelle plus du titre. Qu'est-ce qu'il y a sur la pochette? C'est noir et blanc. C'est noir et blanc, c'est celui avec un lion peut-être ? Oui, c'est ça, la tête de lion. Ouais. Ouais. Je viens régulièrement à toutes les expositions du musée de l'imprimerie. Je les trouve toutes passionnantes. Alors, quel que soit le thème, j'y vais peut-être les yeux fermés. Les yeux fermés, vraiment, alors qu'il y a tant de merveilles à voir au musée. Nous allons écouter maintenant quelques visiteurs qui nous parlent de leur intérêt pour le graphisme des pochettes. Pourquoi êtes-vous venu à cette expo ? Par simple curiosité, j'avais envie d'en savoir plus sur le processus de création, puis aussi les illustrations liées au vinyle m'intéressent énormément. J'apprécie particulièrement les musiques de films adaptées en vinyle. La musique du professionnel avec Belmondo. Ennio Morricone. Oui, voilà, c'est ça. Celui-là, il me plaît beaucoup. Et puis sinon, j'essaye de trouver des musiques de films en général, voilà. Et aussi pour les illustrations, hein, quand on choisit un vinyle, c'est aussi pour l'illustration, on est appâté par... Pour sa pochette, ouais. Voilà, par le premier regard quoi, qu'on a dessus. Alors je suis venu particulièrement pour regarder les pochettes du disque. C'est un intérêt pour le graphisme. Si on parle des pochettes, moi j'aime bien le travail de Good sur les pochettes de Chris Jones, notamment. D'accord. Ah oui, années 80 donc. Années 80, oui, pour le coup, oui. Très bien. Il a fait plein de choses intéressantes, vous connaissez peut-être. Oui, je vois sûrement. Très bien, ouais. D'ailleurs, je vois que vous avez un t-shirt rayé, c'est un peu années 80. Si on veut, oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette expo Vinyl Mania ? La globalité du vinyle, parce que je m'y intéresse de plus en plus. J'en écoute de plus en plus et du coup, je voulais connaître un peu les tout premiers, l'histoire des vinyles, les pochettes, le dessin, le côté artistique, le mélange musique artistique, qui m'attire. Pourquoi êtes-vous venu à cette expo ? Eh bien, pour en savoir plus sur l'histoire du vinyle et puis moi-même, j'ai une collection, du coup, c'est cool d'avoir une idée sur l'histoire et découvrir un peu tout l'univers graphique autour du vinyle. Est-ce qu'il y a un album auquel vous êtes particulièrement attaché ? On vous dit « Votre maison brûle », vous emmenez un disque. Est-ce qu'il y en a un auquel vous pensez ? Oui, Donna Summer A Love Trilogy, un collector un peu de ma collection que j'adore écouter. Bah, j'adore regarder les pochettes, en fait. Je trouve ça fascinant ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant aussi. Et j'aime bien, c'est des choses parfois décalées ou très rétro, avec des univers photographiques ou illustrations. Je trouve ça génial en fait, ça inspire beaucoup. Et bien, venez voir cette expo qui est vraiment super, je vous la conseille. Bonjour, est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Jérôme. Pourquoi êtes-vous venu à cette expo ? Parce qu'on s'intéresse aux vinyles et on écoute aussi des vinyles. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui vous plaît, par exemple ? Johnny Lee Hooker ? Ah, Johnny Hooker ? Ouais. Vous vous souvenez de l'album, non, peut-être ? Non, c'est un vinyle que j'ai trouvé dans une brocante, donc je l'aime bien. D'accord. J'ai plus le titre en tête. Non. Qu'est-ce qu'on voit sur la pochette ? En fait, c'est un morceau qui dure 14 minutes, qui dure quasiment toute la face du disque. La pochette, elle est colorée, de mémoire, ouais. Certains auditeurs de Blues Café Radio auront compris qu'il s'agit de l'album mythique de Johnny Rivers qui s'appelle John Lee Hooker, avec en effet la chanson homonyme qui occupe à elle seule toute une face du disque, mais ce n'est pas un album de John Lee Hooker. San Francisco, yeah, that's Maintenant, écoutons les visiteurs de Vinyl Mania nous parler de streaming et de vinyle. Exactement, je pense qu'il va falloir que j'y revienne. Même si c'est... J'apprécie Spotify, Deezer, parce qu'on fait ses playlists, c'est top. Revenir au diamant et on choisit les pistes, etc. Je ne sais pas si je suis prêt. Bon, pourquoi pas, hein. J'ai pas l'oreille assez mélomane, mais il paraît qu'on distingue une différence entre la musique analogique du vinyle et la musique digitale, numérique, du MP3. Voilà, mais je suis prêt à réessayer en tout cas. J'ai une grande playlist Spotify et je me dis à tout moment je peux la perdre. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, moi je sais ce qu'il écoutait mon père, parce qu'il avait plein de disques. Mais moi aujourd'hui, est-ce que mon fils, par exemple, il se rappellera de ce que j'écoutais grâce à ma playlist Spotify? Il va peut-être pas s'en souvenir. Peut-être que dans, je sais pas, les serveurs Spotify, ils vont tenir combien de temps, mais je pense pas qu'ils durent 200 ans, quoi. Alors qu'un vinyle, on est sûr qu'on pourra le retrouver plus tard. Puis même, je crois que c'était important d'avoir matérialité, c'est-à-dire de l'avoir dans les mains, de regarder les pochettes qui étaient souvent faites à la main aussi. Il y avait un peu la patte graphique de l'artiste, de ce qu'il voulait réellement. Et du coup, cette matérialité-là, on l'a un peu perdue et je trouvais ça intéressant de la retrouver, on va dire. Et puis en plus, vraiment un vinyle, là quand un album sort sur Spotify ou Deezer, et c'est juste, on voit juste le petit carré de la pochette et puis sans plus. Alors qu'un vinyle, il y a quand même plusieurs pages, on peut l'ouvrir, il y a des textes à droite, à gauche, il y a des trucs à l'intérieur, des fois il y en a, ils sont plus spécialisés que d'autres. Et le vinyle en lui-même, il peut être tout noir, mais aussi d'autres couleurs. Mmh. Alors que, bah pareil, sur Spotify, il n'y a rien, quoi. Il y a juste lecture aléatoire. À la base, j'étais jamais venu au musée de l'imprimerie. Et puis voilà, en passant devant, on avait vu qu'en plus, il y avait cette expo temporaire. Donc, on s'est dit qu'on allait tenter le coup, on va dire ça comme ça. Après, voilà, j'avais quelques albums cultes que je voulais vraiment trouver, notamment de Led Zeppelin, par exemple, ou un que... Voilà des albums qui m'ont marqué, j'avais envie d'en garder une trace et que ça soit pas juste sur mon portable ou sur un site de streaming, histoire d'en faire un vrai objet. Moi, je suis étonné sur l'histoire là entre qu'est-ce qui est le plus polluant entre le streaming et le vinyle. J'étais toujours persuadé en me disant bah, on achète du vinyle, on achète du physique, ça traverse les âges et donc je me sentais plus on va dire le bon quand je pensais pas que toutes les matières étaient polluantes et que le streaming aussi et qu'il n'y ait pas encore eu la possibilité de dire qui est le gentil, qui est le méchant là-dedans. Bah, je connais quelqu'un qui est informaticien, ouais, et qui m'a dit que à partir de 10 écoutes d'un titre en streaming, en termes d'impact carbone, il vaut mieux acheter un disque en fait. Ça pollue moins. Donc un vinyle pollue moins que le streaming si on écoute beaucoup. D'accord. Ouais, donc vu qu'un vinyle, souvent les gens ont tendance à les rosser jusqu'à la fin et. Ouais. Et oui, parce que le vendre, donc parce que le streaming implique des serveurs qu'il faut entretenir, qu'il faut ventiler, donc tout ça demande de l'énergie et voilà, et c'est polluant aussi. Ouais. Ouais. Ouais, le numérique est polluant également. Polluant, ouais. Bon, okay. Bah, très très intéressant. Et ben de rien, très très bonne expo. Bonne visite. Merci. Merci beaucoup. Après ce micro trottoir de quelques visiteurs de Vinyl Mania, place à un invité de marque pour l'Instant Vinyle. Je suis maintenant en présence de Philippe Weiss, du service des publics du musée de l'imprimerie de la communication graphique à Lyon. Bonjour Philippe, tu es quelqu'un qui a une participation active à l'exposition. Est-ce que tu peux nous en parler pour les auditeurs de Blues Café Radio ? Bien, en tant que membre de l'équipe du service des publics, effectivement, on avait une partie prenante pour l'exposition Vinylmania. Après la partie montage de l'exposition, on intervient pour le bénéfice et pour le plaisir du public. Et donc, on a organisé un certain nombre d'événements qui ont trait à la mise en valeur de l'exposition. C'était ça, surtout, notre travail. Je rajouterais aussi le fait, pendant le confinement, qu'on a aussi intervenu hors les murs, comme on dit, dans le milieu, hors les murs, c'est-à-dire qu'on a intervenu dans les écoles, dans les centres culturels, sociaux, pour faire vivre l'exposition en dehors du musée, au contact des jeunes publics, au contact de publics variés. Voilà, ça a été vraiment pour nous aussi une belle expérience. Alors maintenant, ton recul à environ un mois de la fin de cette exposition. Je pense qu'elle aura marqué, parce qu'en fait, il existe des expositions sur les pochettes de vinyle et qui ont un côté un petit peu nostalgique, surtout sur la partie illustrative des vinyles, alors que là, ça a vraiment touché à tous les segments de ce que c'est qu'un vinyle. Les retours des visiteurs ? Alors, en général, ils sont très ravis. Enfin, et d'ailleurs, ils nous l'expriment plus que d'habitude. En cette période de confinement, post-confinement, déconfinement, les gens sont ravis de venir. Et quand ils nous l'expriment. Et c'est ça qui est très satisfaisant pour nous. Alors Philippe, pour jouer le jeu de l'instant vinyle, tu as bien voulu parler d'un disque, voire d'un coffret de vinyle qui t'a particulièrement marqué. Alors, si on parle d'une musique ou si on parle d'un vinyle qu'on aime, c'est qu'on va parler de soi-même un peu aussi. Et donc là, je suis venu avec un disque vinyle, enfin un coffret, qui a été réalisé par les percussions de Strasbourg. Strasbourg, donc moi je suis originaire. Et les percussions de Strasbourg étant un groupe qui a été fondé au tout début des années 60 et qui était pionnier à l'époque. Ça n'existait pas avant cette époque-là. Un groupe spécifique dédié aux percussions en musique contemporaine. Et six percussionnistes ont créé à cette époque-là, avec l'aide de Boulez d'ailleurs, ce groupe qui ensuite est SME, qui existe toujours et qui est remarquable. Et moi, je suis issu de cette école-là. Depuis à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à suivre une méthode qu'ils avaient créée qui s'appelle Percustra. Et là, l'idée, c'était pour des jeunes, des tout jeunes, d'évoluer dans énorme instrumentarium là, des percussions et de travailler le rapport entre le son, le corps, la musique, l'intensité, voilà. Et donc c'est une école qui existe toujours aussi, Percustra. Et ce disque, pourquoi ce disque aussi, il est intéressant parce qu'en fait je l'ai et puis je le trouve beau déjà à la pochette, hein. Très fin années 70, la typo, l'image. Et en plus, la thématique, en plus, le disque s'appelle Yemanja. Et Yemanja, c'est particulier. En fait, c'est le nom d'une déesse qui existe dans la culture Yoruba d'Afrique. Mais cette tradition d'une déesse qui s'appelle Yemanja ensuite a immigré jusqu'au Brésil avec justement la période d'esclavage. Et aujourd'hui encore, Yemanja, c'est une déesse qui existe dans le panthéon afro-brésilien, une espèce de polythéisme un peu païen, chrétien, catholique, un mélange des genres. Et Yemanja, c'est un peu la déesse des protectrices de la mer, des pêcheurs. Et c'est dans la religion candomblé, qui existe toujours, encore aujourd'hui au Brésil, c'est celle qui va protéger les pêcheurs. Maintenant, tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble que quand j'entends percussion de Strasbourg, Boulez, ça me fait penser aux expérimentations de Pink Floyd dans les années 70. Les percussions, enfin à l'époque, les percussions avaient beaucoup d'importance aussi. Et surtout dans les années 70, il y avait vraiment un dialogue assez fécond entre la musique contemporaine et la musique pop-rock. On pense aussi à Zappa, Frank Zappa. Enfin, il y a eu toute une espèce d'âge d'or. Donc, il y a toute une période assez créatrice, enfin, assez incroyable, où il y avait vraiment puis je pense aussi à Magma. Et vraiment des moments où la musique contemporaine était très, très liée. Enfin, je pense qu'aujourd'hui encore aussi. Et ce disque, il est merveilleux, là, de Yemanja, parce qu'en fait, c'est un coffret. Et en fait, c'était un coffret. Les percussions de Strasbourg, à l'époque, avaient participé à une volonté aussi de travailler avec des élèves. Et en plus, c'était un disque où il y avait une face où il y avait l'œuvre et une autre face avec des sélections de l'œuvre expliquées aux enfants. Vous avez à l'intérieur du coffret des diapositives et vous avez même aussi, qui est très lié à la notation de la musique contemporaine, vous avez même des planches où vous avez, pour les enfants, une explication et les enfants sont invités à reproduire ce qui est montré, illustré sur chaque planche. Voilà, donc une véritable œuvre multimédia, difficilement reproductible en virtuel. voilà, sur le web, enfin sur les plateformes qu'on connaît aujourd'hui de streaming. Ah oui, alors j'ai fait ma petite recherche. C'est vrai que ben, c'est une œuvre rare, mais elle n'est pas sur les plateformes. J'ai fait ma recherche. On peut acheter le coffret. Il faut l'avoir et l'écouter sur une bonne platine vinyle. Et voilà. Merci beaucoup Philippe Weiss. Eh ben merci à vous. Encore félicitations pour cette expo et puis à très bientôt. À bientôt, merci encore. Voilà, cette édition spéciale de l'Instant Vinyle se termine. Je tiens à remercier le commissaire de l'exposition Vinylmania et directeur du musée, Joseph Beltante. Bernadette Moglia à la communication et rédaction, Philippe Weiss qui m'a accordé l'interview pour l'Instant Vinyle et si bien accueilli à plusieurs reprises, et puis bien sûr toute l'équipe du musée sans qui cette belle exposition n'aurait pas existé. Alors allez au musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon et je vous dis à bientôt pour un prochain Instant Vinyle. Sur Blues Café Radio avec Christian Biral. J'ai failli oublier de vous donner la liste des titres qui sont passés dans cette émission spéciale. La voici. Bob Marley, Waiting in Vain, les Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Johnny Cash et Joe Strummer, Redemption Song, Santana, Evil Ways, Johnny Rivers, John Lee Hooker, Led Zeppelin, Boogie with Stu et les percussions de Strasbourg, Yemanja.